hasard du calendrier fait bien les choses, à moins que ce ne soit l'air du temps. Jocelyne Bell Burnell vient de recevoir un prix de 3 millions de dollars, le Breakthrough Prize, pour sa contribution à la découverte des pulsars, cette même contribution qui a valu en 1974 un prix Nobel, non pas à elle, mais à Anthony Hewish et Martin Ryle. Cette préappropriation des découvertes scientifiques féminines par des chercheurs masculins a un nom, on parle d'effet Matilda. Les exemples sont nombreux, d'Ada Lovelace à Jocelyne Bell Burnell, en passant par la française Marthe Gauthier, la première à identifier les causes du syndrome de Down, à savoir la trisomie 21. Femme de science marche à l'ombre, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce problème non seulement de représentation des femmes dans les hautes sphères de la recherche scientifique, mais surtout celui de la reconnaissance de leur contribution, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Marie Karmarek. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonjour, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de nos camarades de la RTS à Lausanne. Anne-Marie Karmarek, vous êtes chercheuse en informatique et directrice de recherche INRIA en disponibilité. Et nous sommes ici à Paris en studio à la Maison de la Radio avec Nicolas Witkowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, écrivain, éditeur, auteur notamment de Trop belle pour le Nobel, Les femmes et la science, c'est aux éditions du Seuil. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour bien sur l'antenne et sur les ondes de France Culture et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc. Alors cet effet Matilda, il a été théorisé en 1993 par l'historienne des sciences américaine Margaret Rossiter. Une version féminisée de ce qu'on appelait l'effet Matthew, décrit lui en 1968. Un effet dit de halo, hein, c'est-à-dire qui fait attribuer à des scientifiques célèbres comme Albert Einstein des travaux qu'ils n'ont pas réalisés. La version féminine de cet effet Matthew, c'est donc l'effet Matilda qui part du même principe pour des travaux réalisés par des femmes scientifiques dont le mérite revient exclusivement à leurs collègues masculins. Eh bien nous avons pu joindre tout à l'heure Margaret Rossiter à Ithaca, dans l'État de New York. Écoutez. Je ne sais pas pourquoi aucune étude n'a été faite actuellement sur l'effet Matilda. En tout cas, il n'y en a pas. Mais je dirais qu'en médecine, le phénomène est avéré, même si je n'ai pas étudié cela particulièrement. Récemment, il y a une quinzaine de jours, un édito politique du New York Times sur Nancy Pelosi, une démocrate, est paru. Et je trouve que même les femmes politiques n'ont pas le crédit qu'elles méritent, de même que les doctorantes n'ont pas le crédit qu'elles méritent. Je n'ai pas vraiment encore étudié cela, mais c'est un fait plus global. Les femmes, en général, n'ont pas le crédit qu'elles méritent en termes d'accomplissement. Mais aujourd'hui, c'est sans doute vrai en médecine aussi, en politique et dans bien d'autres domaines où elles deviennent malgré tout de plus en plus présentes, du moins dans certains pays. Et les gens commencent à les considérer plus sérieusement, mais cela reste un mystère de voir à quel point elles s'investissent, mais qu'elles ne sont pas autant prises au sérieux, au point de leur donner plus de responsabilités. Quand vous regardez au niveau des hauts postes, vous trouvez des centaines de femmes. Les stéréotypes sont toujours là. Vous en voyez la preuve régulièrement. Les femmes sont souvent moins valorisées et prises au sérieux, et c'est de là aussi que provient l'effet Matilda. Quand je vais dans des congrès internationaux, le nombre de cas de femmes de cet effet ne cesse d'exister et est même de plus en plus fort. Des femmes qui pourtant sont douées et travaillent dur, qui arrivent même à publier mais qui n'ont pas de crédit, et d'autres en ont à leur place, même si elles, elles en sont l'auteur. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Le monde n'est pas encore parfait, et pour les femmes, il faut toujours travailler plus pour être reconnues. Et comme le monde est de plus en plus compétitif, cela va être pire à l'avenir. Les gens en ont conscience, mais le phénomène va malgré cela s'intensifier, en science et au-delà, dans la vie en général. Les femmes partent avec un désavantage, donc je leur conseillerais d'être vigilantes, de faire attention à elles, et entre elles, et surtout de communiquer, de parler tout haut de ce problème. Voilà, Margaret Rossiter, jointe tout à l'heure par Céline Lezen à Ithaca, dans l'État de New York. Margaret Rossiter qui a donc théorisé cet effet Matilda. Une réaction, Anne-Marie Karmarek, à ce que vous venez d'entendre, finalement, à la persistance de cet effet Matilda, aujourd'hui encore, en 2018, dans les hautes sphères scientifiques ? Oui, alors mon expérience, c'est que je parlerai pas de ce que j'ai lu. L'effet Matilda est plutôt une spoliation, mm-hmm. justement, des résultats scientifiques. Je pense qu'on voit aujourd'hui une forme un peu affaiblie de cet effet Matilda, mais qui est réelle, qui est que clairement les femmes ont plus de mal à accéder à des postes à responsabilité, à être promues dans les sciences, à être reconnues. Et c'est lié à un certain nombre de facteurs. Donc le stéréotype du genre, c'est effectivement quelque chose de très vrai. Il y a également une forme d'autocensure en fait féminine, je pense. Les dossiers féminins sont moins incisifs, les femmes ont moins d'assurance. C'est un petit peu lié au stéréotype du genre, à ce qu'on attend un peu d'elles. Et je dirais peut-être la chose la plus caractéristique, c'est en fait les préjugés involontaires ou les biais inconscients qui sont véhiculés dans un certain nombre de choses, comme justement les lettres de recommandation, qui sont des vecteurs extrêmement importants pour la promotion des femmes en sciences. Et clairement, qui ont un vocabulaire assez différent lorsqu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On a un petit peu tendance à conjuguer l'effort au féminin et le talent au masculin, à faire des lettres plus courtes et à avoir des éléments qui sèment un petit peu le doute. Donc on pourra revenir là-dessus, mais il y a un certain nombre d'éléments assez clair sur le sujet. Et on va effectivement en parler à la fois d'un point de vue historique avec certains exemples, et puis également aujourd'hui encore, notamment via l'exemple particulier des prix Nobel. Mais j'aimerais votre réaction à cette interview de Margaret Rossiter, Nicolas Witkowski. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi j'ai envie de souligner quand même une évolution tout à fait notable. Si on fait un état des lieux aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en politique, on arrive à la parité. Là, on parle du domaine scientifique. Bon an, mal an, non, mais elle parlait de politique aussi. En science, finalement, il y a d'extraordinaires progrès aussi, surtout dans certains domaines. Il y a enfin une femme médaille Fields de mathématiques. Dans la biologie, les femmes sont légion. Donc, je dirais que... Selon les statistiques en biologie, elles sont juste un tout petit peu plus de la moitié, entre 52 et 54%. Donc, ça n'est pas encore légion. Elles atteignent le quota, disons. Mais dans d'autres domaines, comme le domaine artistique, regardez le cinéma, les arts plastiques, etc. Là, c'est tout à fait différent. Donc, il ne faut pas non plus voir cette situation scientifique comme absolument dramatique. Elle est en pleine évolution, comme tout ce qui touche à la femme et au féminisme aujourd'hui. Alors on va regarder, on va se limiter, puisque notre émission s'appelle La méthode scientifique aujourd'hui, aux problèmes liés non seulement à l'effet Matilda, mais aussi aux problèmes de représentativité, puisque vous mentionniez, Nicolas Witkowski, le domaine de la biologie et des professions de santé, mais on peut voir à l'autre extrême de l'échelle les physiques et les mathématiques, où les femmes sont, où l'informatique sont encore très très largement sous-représentées. J'aimerais que vous me disiez peut-être l'un et l'autre, ce que vous pensez de ce prix qui a été remis donc à Jocelyn Bell Burnell, un 3 millions de dollars. Elle vient d'être récompensée du prix Breakthrough Prize pour l'ensemble de ses travaux, et notamment la découverte des pulsars, 50 ans après la publication d'un article où elle n'était pas le premier auteur. Le premier auteur était un homme, Anthony Jewish, c'est lui qui a été récompensé par le prix Nobel plus tard. Ça veut dire qu'on est quand même en train d'assister, selon vous, Anne-Marie Kermarek, petit à petit, pied à pied, à un mouvement de balancier, de rectification de l'histoire scientifique et de l'histoire des découvertes? Certainement, je pense que ça c'est un très bon exemple, et c'est très bien. Je pense qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard aussi d'Ada Lovelace qui a maintenant un petit peu aussi récupéré ses lettres de noblesse, je dirais. De manière générale, quand même, le milieu scientifique a cœur d'encourager les carrières féminines, de faire attention à soigner, à dorloter un peu le vivier. Mais c'est vrai que les statistiques sont aussi là. Il y a un effet qui est mécanique, qui fait que, et encore, enfin, je parle de l'informatique par exemple, 15% de femmes en informatique seulement. Mais je veux dire, tous les efforts qui sont faits pour aller dans ce sens sont effectivement autant d'éléments qui vont contribuer à redonner une place intéressante aux femmes, effectivement. Nicolas Witkowski, vous avez travaillé sur les femmes et la science vis-à-vis du prix Nobel. Chaque année, le prix Nobel, c'est toujours largement, même si la tendance là aussi est légèrement corrigée ou a tendance à se corriger, l'année dernière encore, on retrouve dans le palmarès une écrasante majorité, si ce n'est l'intégralité de prix remis à des hommes blancs de plus de 60 ans. Oui, alors je n'ai pas travaillé que sur le prix Nobel. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout l'histoire. des liens entre la science et les femmes. Mais si on regarde effectivement le prix Nobel, qui a le prix Nobel généralement ? C'est le patron du laboratoire où s'est effectuée la grande découverte. Donc il arrive aussi que certains patrons de laboratoire ou chercheurs très futés, genre Jim Watson par exemple, puisqu'on parlait Franklin. De Rosalind Franklin tout à l'heure, il arrive aussi qu'il y ait du véritable piratage, tout à fait éhonté, mais l'histoire est en train de corriger la donne là encore, et chacun sait que derrière l'ADN, il y a Crick, il y a Watson, j'ai oublié le nom du troisième, et Rosalind Franklin. Donc l'histoire finit par se réécrire, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir d'où on part. Et si on part à l'origine, c'est-à-dire au début du 19e siècle, et on va avoir occasion d'en parler avec Ada Lovelace, on va voir que les préjugés machistes du début du 19e siècle sont absolument terrifiants pour nous aujourd'hui. Alors, on va pas remonter tout à fait au début du 19e siècle, mais on a tout de même une archive de la radiodiffusion française que nous avons récupérée. Il s'agit d'une émission qui s'appelle Connaissance de l'homme, qui date de 1952. Vous allez entendre précisément ces préjugés misogynes et sur la place de ces femmes que l'on autorise tout juste à entrer en laboratoire. Écoutez. Les femmes savantes, c'est le titre d'une comédie bien connue de Molière. C'est aussi un petit nombre de figures admirables qui ont plus fait pour les progrès de l'esprit humain que la plupart des hommes. Nous avons invité aujourd'hui Madame Jeanne Lesky à nous parler du problème de l'activité scientifique féminine. Madame Lesky est docteur en médecine et docteur en sciences, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, et elle fait des cours d'anthropologie physiologique et génétique à la Sorbonne. Je me hâte d'ajouter, et je ne sors pas ce faisant du sujet de cette émission, que le docteur Lesky n'a rien abdiqué des droits et des devoirs de la féminité et que j'ai le plaisir de me trouver en face d'une jeune femme d'un charme et d'une élégance bien parisienne. Si vous le permettez, madame, je voudrais tout d'abord vous poser une question en quelque sorte statistique. Quelle est actuellement, en qualité et en quantité, la situation de la femme savante ? Je ne vous répondrai pas qu'elle est la même qu'au temps de Molière. Puisqu'on nous permet d'accéder au laboratoire, que nous y sommes de plus en plus nombreuses et que certaines d'entre nous savent très bien distinguer chez leurs collègues masculins ou féminins le pédantisme du vrai savoir. Je peux vous affirmer toutefois que les femmes d'aujourd'hui manifestent un esprit scientifique aussi précis que celui des hommes, au moins dans leur laboratoire. Voilà, cet archive de 1952 de la radiodiffusion française, l'émission Connaissance de l'homme avec Jeanne Lesky. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, outre évidemment les clichés qui s'enchaînent les uns aux autres, Anne-Marie Kermarek? Déjà, je pense que c'est intéressant de voir à quel point on a évolué. Aujourd'hui, on ne supporterait plus un certain nombre de ces éléments de discours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'effectivement, ça prend du temps, mais ça évolue. Et puis que déjà à cette époque, il y avait quand même une forme de défense, de solidarité féminine en tout cas. Et je pense que ce qui est important, c'est de effectivement de couper court à ces stéréotypes de qui expliquent que les sciences ne sont pas faites pour les femmes. Donc, mais je trouve que le plus intéressant là, c'est surtout de voir, de constater qu'on a quand même avancé. On a beau encore se lamenter un petit peu, on a bien avancé. Nicolas Witkowski. Oui, alors ce qui est pittoresque, c'est qu'on voit le journaliste complémenter la chercheuse sur sa belle apparence et qu'on pourrait rapprocher ça des mésaventures tragiques de Marie Curie qui, quand elle s'est comportée comme une femme, c'est-à-dire quand elle a eu une liaison avec Langevin, a été traînée dans la boue par toute la presse de l'époque. Donc il y a vraiment un problème entre la science et les femmes, ça il n'y a pas de doute. Oui, puis on entend aussi dans le discours de Jeanne Lesky, cette expression nous permet d'accéder au laboratoire, nous permet d'accéder une autorisation. Au laboratoire, et elle souligne le fait qu'il n'y a des femmes dans les laboratoires en France que depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Auparavant, les laboratoires étaient fermés à double tour aux femmes. Ça, c'est un des effets néfastes de la Révolution française qui a mis les femmes à la cuisine, si je puis dire. Hein? Ça n'a pas été le cas en Angleterre, mais ça a été le cas en France. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, dans la méthode scientifique, nous parlons tout au long de cette heure de l'effet Matilda et de la place des femmes dans la science, de l'évolution que l'on peut constater, dont on peut se féliciter, mais qui ne va pas non plus peut-être tout à fait à la vitesse suffisante ou nécessaire compte tenu de l'importance des contributions scientifiques des chercheuses. Nous en parlons avec Anne-Marie Carmaret qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de la RTS à Lausanne, et avec Nicolas Witkowski qui est ici avec nous en studio à la maison de la radio. Alors, il y a un nom, hein, qui est souvent associé justement à cette espèce de disparition des femmes scientifiques, de l'histoire des sciences, qui incarne ce que Margaret Rossiter a qualifié d'effet Matilda, même si là aussi c'est peut-être discutable. C'est celui d'Ada Lovelace, que vous connaissez bien l'un et l'autre. Qui était Ada Lovelace, Anne-Marie Carmaret? Pourquoi est-ce que son nom est justement associé à cette disparition des contributions féminines à la recherche? Alors, en fait, effectivement, elle est assez. Bon, moi, j'ai été étudiante en informatique, donc j'ai entendu parler de Babbage, j'ai entendu parler de von Neumann, j'ai évidemment entendu parler de Turing. Je n'avais jamais entendu parler d'Ada Lovelace. Alors, elle est un petit peu revenue à la faveur d'un certain nombre de prix scientifiques dans le domaine qui ont pris son nom, à la faveur de l'utilisation de son prénom pour un langage également. Mm-hmm. Et effectivement, elle a, d'une part, beaucoup contribué au début de l'informatique, hein. On la considère souvent comme la première programmeuse, et son nom est quelque part réhabilité depuis quelques années, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qui elle était, c'était une forme elle a beaucoup collaboré avec Charles Babbage, donc je sais pas à quel point il faut que je m'étende ici. Comme vous voulez, on a un peu de temps, donc vous pouvez rentrer dans les détails, c'est de redire qu'on est au début du 19e siècle. Ouais, voilà. Donc en fait, sa mère était mathématicienne. Donc là, j'en profite pour rebondir sur l'importance effectivement de du contexte familial, l'influence de la mère en fait. Mm-hmm. Souvent, donc son père était le poète Byron, Lord Byron, et sa mère était mathématicienne, qui l'a mise entre les, qui lui a permis de rencontrer un certain nombre de mathématiciens, et elle a rencontré à 17 ans, l'âge de 17 ans, Charles Babbage, qui était professeur à l'université de Cambridge et qui concevait des machines. Alors les machines de Babbage, en fait, elles sont assez connues parce que c'est un petit peu les premières machines qui ressemblaient, dont le design commençait à ressembler singulièrement à celui d'un ordinateur. Donc là, il a conçu une première machine à différence. Donc qui visait à fournir des tables nautiques, astronomiques et mathématiques, et il a fait ça en incorporant des cartes perforées du métier Jacquard en fait. Et ensuite il s'est attaché à la conception d'une machine qui était beaucoup plus puissante, qu'il a appelée une machine analytique. Et là on commence à se rapprocher un petit peu d'un ordinateur moderne. Et l'objectif de cette machine, ce qu'il avait en tête, c'était de pouvoir faire beaucoup de calculs algébriques. Et en fait, Ada Lovelace, à la faveur d'un article d'un Italien qui s'appelle Louis Menebrea, qui avait décrit la machine en français, décrit la machine de Babbage, elle s'est attelée à la traduction en anglais de cet article, et en fait elle a ajouté énormément de notes, et de fait ça a triplé la taille de l'article, et ça a extrêmement bien décrit la machine et en particulier son potentiel. Donc je dirais qu'en termes informatiques, les trois grands éléments qui sont attachés au nom d'Ada Lovelace, c'est que, d'une part, c'est effectivement la première fois qu'un programme a été écrit pour une de ces machines. Donc ça, c'est la première chose, pour le calcul des nombres de Bernoulli. La deuxième chose, c'est qu'elle a vraiment identifié des notions qu'on voit aujourd'hui, qu'on apprend aujourd'hui en informatique, hein, qui sont les notions essentielles, qui sont les entrées. Donc, en l'occurrence, c'était les cartes perforées, qui contenaient les données et les instructions. Les sorties, qui sont un petit peu les résultats, et qui étaient les cartes perforées qui contenaient les résultats, l'unité centrale, donc qui était le moulin, et la mémoire pour lequel le stockage des variables intermédiaires. Et à la faveur de ça, il y a introduit un certain nombre de choses qu'on a aujourd'hui encore, qui sont par exemple la boucle, hein, qui est la répétition, voilà. Et la troisième chose qui est peut-être la plus intéressante, c'est que, bien avant Turing, en fait, elle a commencé, en tout cas, à avoir la vision d'une machine un peu universelle, même si ça a été effectivement formalisé par Turing, mais elle avait vraiment tout d'une visionnaire sur le sujet. Oui, 100 ans avant Turing, quasiment, exactement. Nicolas Witkowski, pour compléter ce portrait d'Ada Lovelace, c'est vrai qu'on en voit la figure de celle qui a inventé le premier langage de programmation et elle a disparu, même dans les travaux de Turing, on ne retrouve pas son nom. Non, je pense que Turing ne la connaissait pas, tout simplement. Mais ils ont quelque chose en commun. Ada, née en 1815, si je me rappelle bien, est la fille unique de Lord Byron, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire la fille d'un poète romantique d'envergure. Et l'intérêt de Ada... La seule fille légitime, hein, que l'on sache. Légitime, ah bah avec Byron, c'est compliqué. Hein. Alors là, question machisme, là on parlait de machisme, là c'est grave. Mais enfin, Byron a quitté l'Angleterre suite à de mauvaises histoires de mœurs, mais il avait suffisamment d'argent pour s'offrir les plus belles villas suisses et italiennes, avant de mourir en héros sur les champs de bataille grecs. Donc c'est quand même l'épopée romantique comme on en voit peu. Et il est bien évident qu'Ada a été extrêmement influencée par tout ça, au point de se proposer de faire des mathématiques romantiques. C'est ça qui est important. Et pourquoi c'est important? Parce que ces mathématiques romantiques, dont on pourrait estimer qu'elles n'ont rien apporté, on voit pas où est le romantisme dans les mathématiques, eh bien, ont apporté quelque chose. Il se trouve que ça s'appelle l'ordinateur et qu'elle a effectivement, de façon totalement visionnaire, eu les premières intuitions de ce qu'allaient devenir les algorithmes. C'est-à-dire qu'à partir de la machine de Babbage, qui était un gros calculateur à manivelle, hein, attention, on est dans le steampunk, là, hein, c'est l'époque de la machine à vapeur, des grosses manivelles. D'ailleurs, il a jamais réussi à la construire, le malheureux, parce que ça coûtait très cher. Il a englouti des sommes folles. Ada a essayé de l'aider, puisque Ada était quand même... d'un milieu, c'était le high society. D'ailleurs, par parenthèse, sa mère n'était pas mathématicienne. C'était la femme de Byron. Il n'y avait pas de mathématicienne à cette époque en Angleterre, encore moins en France, à part Sophie Germain, peut-être, qui se cachait pour suivre les cours de Polytechnique. Oui, c'était... qui avait besoin d'une invitation pour rentrer à l'Académie des sciences, alors qu'elle avait reçu le grand prix de cette Académie des sciences. C'est notre camarade Roger Mansuy qui nous le signale sur Twitter. Elle n'avait pas le droit d'y rentrer, absolument. Et donc, elle n'était pas mathématicienne au sens d'un métier, mais elle était amateur de mathématiques, comme beaucoup d'Anglaises l'étaient à l'époque. Il y avait le Ladies' Diary, qui était une publication destinée aux femmes de la bonne société, où se trouvaient des petits problèmes de mathématiques redoutablement difficiles chaque mois. Donc, il y a ce cadre-là. Ça lui a permis de sortir de cette société-là, lui a permis de rencontrer les plus grands scientifiques de l'époque, Wheatstone, Faraday, le mathématicien De Morgan, qui a été son professeur, et puis une fille extraordinaire qui s'appelle Mary Somerville, encore une femme extraordinaire, qui a été la grande vulgarisatrice des années 1830-1840, et qui a une chance extraordinaire, autre parenthèse, c'est de faire un grand voyage en France et de rencontrer Laplace, Cuvier, Arago, tous ces gens-là, et de dîner avec eux et de rapporter dans son journal des choses que notre histoire des sciences à nous ne rapporte pas. Donc, disons qu'il y avait ce micro-milieu en Angleterre de femmes passionnées par la science et que rien n'empêchait de faire la science. Mais dans le cas de Ada, et je terminerai là-dessus, sa science romantique est spécialement intéressante parce que c'est une tentative un peu désespérée, mais réussie, d'unir ce que la science a de plus rationnel et ce que la poésie a de plus échevelé. Mais Ada, qu'on pourrait appeler Ada Lovelace d'ailleurs, puisque ce serait, on n'appelle pas Alan Turing Alan, on pourrait garder justement cette nomenclature égale pour les hommes ou pour les femmes scientifiques. Et par ailleurs, je voudrais revenir avec vous aussi, Anne-Marie Kermarek, sur cette idée, parce qu'on a une autre auditrice qui nous suit et qui propose effectivement cette lecture assez intéressante, qui dit que Ada Lovelace n'est finalement pas tant un symbole de l'effet Mathilda, puisque ses travaux n'ont pas été réappropriés ou spoliés. Au contraire, nous dit-elle, Babbage lui a offert l'opportunité de devenir la première programmeuse de l'histoire. Néanmoins, ses travaux sont restés relativement invisibles de l'histoire des sciences jusqu'à récemment. Ils ont été redécouverts récemment, puisque, comme le disait Nicolas Witkowski, Turing lui-même n'a quasiment pas conscience ou connaissance des travaux d'Ada Lovelace. Oui, effectivement, moi, quand vous m'avez contacté pour cette émission, c'est pas nécessairement elle que j'aurais mis au top de cette spoliation des résultats scientifiques. Ceci étant, c'est quand même Babbage qui a été récompensée par la Royal Astronomical Society. En 1824. Et puis on en a assez peu entendu parler. Alan Turing, il semblerait qu'il ait lu sa traduction, il ait lu ses notes, on n'en a jamais fait mention dans aucun de ses travaux, ni on n'en a jamais fait mention auparavant. Donc effectivement, elle n'a pas été réellement spoliée au sens où il n'y a pas une énorme injustice à son sujet. En revanche, c'est clair qu'elle a fait des découvertes, elle avait une vision qui peut-être aurait mérité un peu plus de reconnaissance à l'époque. Mais bon, l'époque ne reconnaissait pas ce genre de choses aux femmes. Mais quand même, elle avait, en tout cas, encore une fois, sur le potentiel d'universalité qu'on pouvait avoir d'une machine, elle avait été extrêmement visionnaire. Elle avait commencé à parler de modélisation du cerveau. Enfin, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est complètement basée sur ce genre de choses. Elle avait imaginé des compositions musicales aussi effectuées par un ordinateur. Donc tout ça contribuait à montrer l'aspect vraiment universel et général de ce que peut faire un ordinateur. Donc ça, c'est tout à fait étonnant pour l'époque. Nicolas Witkowski. Oui, alors on parlait tout à l'heure de machisme scientifique au début du 19e. Il faut savoir qu'une femme mathématicienne, en 1830-1840, c'était inimaginable. Inimaginable pour la raison suivante, qui est exprimée un peu partout à l'époque, c'est que seuls les hommes ont la puissance intellectuelle pour faire des mathématiques. Les femmes, elles, étant destinées à la reproduction, n'ont pas cette puissance-là. Et c'est pas tout. C'est-à-dire que quand une femme essaye de faire des mathématiques, nécessairement, elle va tomber malade. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et vous auriez posé la question à quelqu'un en 1840, votre émission n'existait pas, il vous aurait répondu... La radio non plus. Évidemment qu'il ne peut pas y avoir de femme mathématicienne. Donc des gens comme la mère de Ada, comme Mary Somerville, sont des sortes de monstres assez étranges, en tout cas socialement, totalement inacceptables. Et c'est pour ça qu'il aurait été inimaginable à l'époque de voir tresser des couronnes à Ada Lovelace pour son discours sur le futur ordinateur, puisque c'était inimaginable. Et déjà, elle était dans une position sociale très délicate du fait qu'elle faisait des mathématiques. Vous voyez, donc ça, il faut savoir qu'on part de là quand même. À partir de quand commence-t-on à revoir, à relire, à retrouver et à réhabiliter justement les travaux d'Ada Lovelace et des travaux de programmation autour de la machine de Babbage, Anne-Marie Karmarek? Alors là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Je sais en tout cas que moi, en tant qu'étudiante, bon, ça commence à dater, j'en ai jamais entendu parler, mais je dirais que ça fait quand même peut-être... En tout cas, depuis 10 ans, on en parle beaucoup. Il y a des workshops qui s'appellent les workshops Ada Lovelace. C'est souvent associé, effectivement, aux femmes en informatique. C'est-à-dire que tous les événements qui sont attachés à la promotion des femmes assez rapidement peuvent adopter ce nom. Voilà. Mais j'avoue que je suis pas certaine de quand on a commencé à la réhabiliter, en fait. Il y a même chaque deuxième mardi d'octobre, c'est la journée Ada Lovelace pour augmenter la visibilité des femmes dans les sciences. Vous savez, Nicolas Witkowski, à partir oui, de alors, quand on a commencé le retour, à réhabiliter ces travaux? Le retour d'Ada, enfin de Ada. De Ada Lovelace. On le date généralement des années 70, quand l'armée américaine a donné son nom à un langage de programmation. Le langage ADA. Alors, qui dans l'armée américaine a été chercher ADA, je l'ignore totalement, mais en tout cas, ça n'est que justice. Si ça me permet aussi de revenir un peu sur cette histoire du duo, du couple que peuvent former une poétesse qui se disait l'enchanteresse des nombres. Enfin, je veux dire, on verrait ça aujourd'hui, tout le monde éclaterait de rire. Comment un couple entre une poétesse et un mathématicien pur et dur? Babbage sortait de Cambridge, il était réputé comme mathématicien, statisticien, il a fait quantité de choses dans tous les domaines de la science. Donc comment est-ce qu'un couple comme ça peut arriver à être efficace et à innover en science? Eh bien on en a un autre exemple beaucoup plus récent, qui est précisément celui d'Alan Turing et de John von Neumann. Von Neumann, c'est le rationaliste pur et dur qui a travaillé sur la bombe atomique, qui est un des principaux artisans de l'ordinateur. Et Turing, c'est le rêveur. Enfin, il y a eu un film récemment sur lui. Il y a surtout une excellente Grande Traversée, qui est une série documentaire de 8 heures, réalisée par mon camarade Amaury Chardot, qui a été diffusée cet été sur l'antenne de France Culture, dont on va vous mettre le lien une nouvelle fois, parce qu'il ne faut pas rater cette magnifique Grande Traversée sur Alan Turing. 8 heures de documentaire superbe. Disons que dans le couple von Neumann-Turing, qui est à l'origine de l'ordinateur moderne, là on ne parle plus de cette machine analytique qui était le premier ordinateur universel, mais qui portait pas encore ce nom-là et qui n'était pas capable des mêmes prouesses. Donc, dans ce couple von Neumann-Turing, Turing est le joyeux poète. C'est un peu le pendant de Ada, Babbage étant le pendant de von Neumann. Et vous savez que ses premiers programmes d'ordinateur, Turing les a utilisés pour modéliser la croissance des fleurs. Ça ne s'invente pas. Oui, parce qu'il avait une fascination pour la biologie. Il simulait la croissance des marguerites. C'est pour ça qu'il a fait des ordinateurs. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Il y a un parallèle. On a l'impression qu'autour de ce cerveau artificiel ne peuvent se pencher que des couples. Étonnant, non ? Et on pourra préciser que Ada Lovelace a eu un destin relativement tragique, puisqu'elle est morte très jeune. Elle est morte d'un cancer au même âge que son père, à 36 ans, cancer de l'utérus, foudroyant. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 was the cost. It was to buy a cart and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck in the pillow beneath me head. Don't you know that Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Round the corner, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Matilda, Matilda, c'est Robert Mitchum qui chantait, oui, puisque nous parlons de l'effet Matilda, alors il ne faut pas trop écouter le texte de la chanson, ça parle d'un kangourou boxeur, bon, c'est un peu différent, ça n'a pas grand chose à voir avec ce dont nous parlons, à savoir aujourd'hui les femmes scientifiques et la façon dont leurs travaux ont été spoliés, réappropriés par leurs collègues masculins. Nous en parlons avec Anne-Marie Kermarek, qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de la RTS à Lausanne. Anne-Marie Kermarek, qui est chercheuse en informatique et directrice de recherche INRI en disponibilité, et avec Nicolas Witkowski, qui est avec nous ici en studio à la Maison de la Radio à Paris, qui est physicien, écrivain, éditeur et auteur de Trop belle pour le Nobel, les femmes et la science aux éditions du Seuil. Alors, on le disait tout à l'heure, Anne-Marie Kermarek, c'est vrai que Ada Lovelace, qui est tout de même une figure de femme scientifique puissante, réhabilitée, dont les travaux ont été passés sous silence, ce n'est pas peut-être la meilleure incarnation possible de l'effet Matilda. Quand on pense à l'effet Matilda, on pense principalement à Rosalind Franklin, par exemple, à qui nous avions consacré une émission entière ici, co-découvreuse de la structure en double hélice de l'ADN, et qui alors n'a pas pu obtenir le prix Nobel parce qu'elle est décédée 4 ans avant l'avoir obtenu, mais qui a été complètement effacée de tout de les études et de toutes les publications autour de cette structure en double hélice. Oui, effectivement, là il y avait vraiment clairement des résultats scientifiques qui auraient pu être attribués à cette femme et puis à un certain nombre d'autres. C'est pas tout à fait le cas d'Ada Lovelace. Je pense qu'on est revenu ensuite sur ses résultats et puis sur sa vision et puis on l'a réhabilité. Mais J'ai pas ce sentiment qu'elle a été victime d'une crainte très grande injustice, enfin en tout cas pas plus que les femmes scientifiques de cette époque pouvaient l'être d'une certaine manière. C'est pas un vol de travaux, j'ai l'impression. Quelles seraient justement les chercheuses, les scientifiques qui incarneraient selon vous le mieux cet effet Matilda, Anne-Marie Kermarek? Alors j'avoue que l'informatique est une science très jeune, donc on a, je pense pas qu'on ait ce genre d'état de fait à déplorer. Peut-être que, enfin pour avoir justement lu récemment l'ouvrage de Nicolas, là, peut-être que lui a plus d'éléments sur ce sujet, mais je pense qu'on parle plutôt par exemple la femme d'Einstein qui aurait pu avoir un rôle assez important dans ses travaux et qui a absolument jamais été mentionné. Et puis de la femme qui a aussi été spoliée lors de la découverte de la fission nucléaire. Voilà, je pense que, mais j'avoue que en informatique, j'ai pas d'éléments de ce genre en fait à évoquer. Alors, effectivement, il y a Mileva Einstein, on a parlé de Rosalind Franklin, Eddie Lamar, Nicolas Witkowski. Oui, au moins, il y a un nom qui me vient surtout, c'est Lise Meitner, dans le domaine justement de la fission nucléaire, qui dirigeait le laboratoire, et le prix Nobel a été donné à un de ses étudiants, ce qui est quand même pas mal. Donc, il y a Lise Meitner. Sur Mileva Marie, enfin Mileva Einstein, je dirais que c'est un cas tout à fait différent. Il est évident que Einstein et Mileva ont échangé des idées. Ils ont été mariés pendant pas mal de temps. Ils ont fait des enfants, etc. C'est pas pour ça que la relativité générale peut être signée Mileva Marie. Là, quand on regarde dans le détail, effectivement, il y a des cas beaucoup plus simples que d'autres. Lise Meitner, il y a quantité de cas de spoliation, surtout. C'est des spoliations qui sont pas méchantes d'une certaine façon, dans la mesure où la plupart des femmes en question ont dit « Ah bah oui, t'as raison, c'est comme ça ». Et ça n'est que depuis très peu de temps qu'on trouve parmi les prix Nobel, par exemple, des femmes qui revendiquent le fait d'avoir suivi une recherche de bout en bout, d'avoir fait le « breakthrough », comme on dit, etc. Donc il y a eu un changement d'attitude de la part des femmes aussi, qui fait que c'était très difficile d'être une femme scientifique au début du XXe siècle. Vous voulez dire que c'était plus facile de se laisser spolier, parce que je ne sais pas si Marie on peut dire Curie. Une spoliation n'est ni méchante ni gentille, c'est une privation d'une partie de travaux de recherche. Disons qu'elle est compréhensible dans certains cas, et dans d'autres cas, elle est vraiment totalement incompréhensible. Je laisserai ces propos, je ne sais pas si on peut dire que des spoliations de travaux scientifiques soient compréhensibles ou pas. Dans le cas de Rosalind Franklin, par exemple, là c'est pas une spoliation véritablement, puisque le prix Nobel ne peut être décerné à titre posthume. Donc là, le problème est simple, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Alors, en l'occurrence, le problème de Rosalind Franklin, c'est qu'on avait fait une émission entière. On va vous mettre le lien d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission. C'est que ses contributions avaient été volontairement écartées, effacées, notamment par Watson. Bon, ça a donné lieu à une émission entière. Je ne vais pas revenir sur cette histoire. Mais si c'est Rosalind Franklin dans le monde anglo-saxon qui est effectivement le symbole de cet effet Matilda, eh bien, en France, notre Rosalind Franklin à nous s'appelle Marthe Gauthier. Elle a très largement contribué à la découverte des origines génétiques de la trisomie 21. Marthe Gauthier est née en 1925 et vous avez eu la chance de pouvoir la rencontrer, Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, Marthe Gauthier, elle a d'abord suivi de brillantes études de médecine. L'année de son concours au début des années 50, elle était d'ailleurs la seule femme candidate au Médica et elle s'est ensuite spécialisée en cardiopédiatrie. Elle a alors fait une rencontre déterminante dans sa carrière en la personne du professeur Debré qui l'a encouragée à partir aux États-Unis, à Harvard, où elle a appris à faire des cultures cellulaires, une pratique encore totalement inusitée en France. Cette technique lui a permis de découvrir la présence d'un chromosome supplémentaire chez les personnes atteintes de ce qu'on appelait alors le mongolisme. Pourtant, sa découverte de la trisomie 21 lui a échappé et son travail a été relégué au second plan. J'ai rencontré Marthe Gauthier chez elle la semaine dernière. Elle m'a raconté depuis son départ aux États-Unis son histoire et comment elle s'est relevée de cette déception pour poursuivre ensuite une brillante carrière scientifique. Je suis allée là-bas pour que la France puisse opérer les enfants cardiaques et pouvoir les soigner aussi bien qu'on le faisait aux États-Unis. Et c'est là où nous arrivons dans un domaine particulier, où je fais le tour des États-Unis dans les différents centres pour voir les médecins et les chirurgiens qui opèrent là-bas et ramener tout ça en France. Et entre-temps, dans cette série de choses que j'avais à faire, on me dit, vous allez aller chez le docteur Intel, qui est le grand chef de la cardiopédiatrie, mais nous, on a besoin d'une petite main, est-ce que vous accepteriez de faire ce qu'on va vous demander, parce que on fait des cultures d'aorte. Donc, je me mets aux cultures cellulaires pour l'endroit où j'étais. Bon, moi, quand je suis rentré en France, je n'ai pas fait du tout la même chose, mais j'ai gardé dans la tête tout ce qui avait cardiopédiatrie. Et à ce moment-là, il valait mieux, dans le système hospitalier, être médecin des hôpitaux. Ce qu'on appelle médecin des hôpitaux, c'est-à-dire un grade supérieur. Mais à ce moment-là, les femmes n'étaient jamais médecins des hôpitaux, donc j'ai passé le concours. Et puis le concours, on m'a dit c'est très très bien, c'est formidable, bon, etc. Mais quand je suis allé voir, j'étais pas nommé, donc je ne pouvais pas être médecin des hôpitaux. Donc j'ai, pour plusieurs raisons, j'ai abouti dans le service du professeur Turpin. Et le professeur Turpin s'occupait des ce qu'on appelle les Mongoliens en France, c'est-à-dire les enfants qui ont une certaine façon de se présenter dans la vie avec des malformations. Et pour savoir quelle en était l'origine de cette anomalie, tout le monde disait « Ah mais il faudrait faire des cultures cellulaires, mais personne en France ne fait de culture cellulaire. » Alors moi je me suis dit « Mais ils sont fous, ils savent même pas faire une culture cellulaire. » Donc je le fais, paf. Je dis « Vous me donnez une pièce propre et tout ça, et je me charge du reste. » Racontez-nous un petit peu ce que vous avez découvert à ce moment-là, grâce à cet apprentissage de la culture cellulaire et cette mise en pratique de la culture cellulaire. Vous faites une découverte qui est quand même assez majeure. Oui, mais à ce moment-là, puisque les enfants dits mongoliens ont beaucoup intéressé le professeur Turpin, je vais commencer par eux. Et je fais donc des cultures cellulaires, d'abord des individus normaux, pour être sûr que ma technique fonctionne. Les cellules se multiplient dans le tube, et comme elles se multiplient, on arrive à avoir des mitoses, c'est-à-dire des divisions cellulaires, qui nous permettent de compter le nombre de chromosomes. Et c'est là le point capital du fait de ce que j'ai fait. J'ai pu immédiatement compter les chromosomes. Les chromosomes sont ceux qui sont porteurs de l'hérédité. Je les compte avec mes yeux sans pouvoir faire de photos et surtout sans pouvoir démontrer à qui que ce soit que j'ai 47. Parce que autrefois on disait que l'espèce humaine avait 48 chromosomes. Et en réalité, il n'y en a que 46. Et alors, à ce moment-là, je me suis mis à compter les normaux, avec mes yeux, mais difficilement. Et après, quand j'avais des cellules de mongoliens, je ne veux pas dire de trisomique, puisque trisomique, c'est après, je me suis aperçu qu'il y en avait, 47. Tout le monde était d'accord pour penser que c'était vrai, ce que je disais. Mais il a fallu acheter un photomicroscope pour pouvoir le démontrer de façon certaine. Je prends les photos et à ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute et surtout, on pouvait l'identifier. Bon, je dois dire que le jeune suivait cela pas à pas, mais il ne savait pas du tout faire les cultures cellulaires. Mais pour compter, on peut compter, ça, tous les âges. Hein. Ça, c'est... Alors, comment étaient accueillis justement vos travaux par... Je dois dire que j'ai été très surprise. Parce que moi, je trouvais que c'était génial, que j'étais génial. Enfin, faut pas exagérer, mais que c'était quand même pas mal. Ouais. Moi, la fille de paysan qui cherche à s'élever dans la vie et dans la... Et puis, mais je trouve que les autres, ils auraient pu me sauter au cou. Et on n'a pas ouvert une bouteille de champagne. Rien du tout. Non. Et alors, du coup, est-ce qu'il y avait une forme de jalousie de leur part? Et comment vous avez réagi à partir du moment où vous avez senti qu'on vous écartait de la découverte? Idiot. Mais c'est pas une façon de raisonner très convenable. Mais le professeur Turpin n'est pas venu me sauter au cou en ouvrant une bouteille de champagne. Ça, je me souviens très très bien que j'étais très vexé. Et après, La parenté après, de cette découverte vous a un petit peu échappé. Les choses sont arrivées. Bon, est arrivé, le jeune était, s'est mis à compter dans le laboratoire. Et surtout, à ce moment-là, il s'est mis à exporter. Et c'est là où arrive quelque chose de, pour moi, dramatique. Enfin, dramatique, n'exagérons rien. C'est que il va aux États-Unis. Il est envoyé par le CNRS, puisqu'il est chargé de recherche. On lui paye son voyage pour aller dans un congrès. Le congrès de Montréal sur la génétique. Bon, et à ce moment-là, sans m'en parler, il emmène des coupes et il emmène des photos. Et là-bas, à Montréal, il va dire que les Mongoliens ont 47 chromosomes avec un supplémentaire. Mais il ne me cite pas. Je me dis, bon, maintenant, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as découvert la trisomie 21, mais on le publie sans, en me citant pas bien, on publie le jeune Gauthier Turpin. Et quand on fait une publication, surtout à l'Académie des sciences, normalement, c'est toujours celui qui fait le travail qui est mis en premier, et il se trouve que le jeune est mis en premier et pas moi. Et à ce moment-là, je suis vraiment très déçu de tout ce qui se passe dans le domaine médical ainsi. Et je me dis, moi, je ne veux plus, je fais la cardiopédiatrie, je suis allé pour ça, et je m'occupe des enfants. Et c'est à ce moment-là que je change un peu, et tout en subissant tous les problèmes que pose le fait d'avoir fait une découverte et de savoir que c'est... on l'attribue à quelqu'un d'autre. Comme vous voyez, j'ai rebondi très bien et j'ai beaucoup aimé la cardiopédiatrie, où on dit Marthe Gauthier est la fondatrice de la cardiologie française des enfants. Alors, de quoi se plaindre ? Une toute dernière question. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une jeune femme qui veut devenir scientifique ? Les temps ont changé, mais finalement, le monde des sciences reste un monde très masculin. Quel conseil vous leur donneriez ? D'abord, il faut qu'elle fasse, si vraiment elle veut, il faut qu'elle le fasse. Et puis après, on se démerde. L'optimisme et le sourire de Marthe Gauthier, née en 1925, co-découvreuse ou découvreuse de la trisomie 21, des origines génétiques de la trisomie 21, et donc victime en plein, comme vous venez de l'entendre, de l'effet Matilda, n'ayant pas été associé, son nom n'ayant pas été associé à la publication de ses recherches. Pardon, oui, Antoine Beauchamp. Il a bien été associé, mais pas... hiérarchiquement, pas à sa juste valeur. Pas à sa juste valeur. Nicolas Witkowski, une réaction à ce que vous venez d'entendre, à ce témoignage? Oui, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, c'est terrifiant et magnifique. Et ça me rappelle le premier voyage à Stockholm de Pierre et Marie Curie, où Marie n'a pas eu le droit de prononcer un discours. C'est Pierre qui a prononcé le discours, et je crois que dans l'énoncé de leur prix Nobel commun, il y a « il est bon qu'une femme aide son mari » ou une horreur dans ce genre-là. Donc si vous voulez, ça a été l'histoire de cette dame a occupé tout le XXe siècle. Espérons que le XXIe fera des progrès. Anne-Marie Kermarek. Oui, alors c'est un témoignage très touchant, puis qu'à la fois c'est très triste comme histoire, et puis c'est assez révoltant. Mais elle ne manque pas d'humour, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est quand elle évoque en fait le fait que personne n'a sauté au plafond quand elle a annoncé ses découvertes. On a du mal à savoir si c'est de la jalousie pure et simple de pas avoir été, de la part de ses collègues, de pas avoir été les premiers à trouver ça, ou simplement si il manquait un peu de confiance sur les résultats qu'aurait pu obtenir une femme. Ça paraissait pas très clair dans son histoire, et peut-être que ça n'était pas dans la tête de ces chercheurs non plus. En tout cas, ce qui est assez clair, c'est que une fois qu'ils ont appréhendé l'étendue des résultats, c'est qu'ils se sont sentis assez autorisés à la spolier de ces résultats. Et ça, j'ose espérer qu'aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Enfin, je pense plus qu'on pourrait voir ce genre de choses aujourd'hui. Sur, en tout cas, pas de manière aussi frontale. Sur cette prise de conscience collective, Rosalind Franklin, on l'a dit, a été très largement, en tout cas, réhabilitée ces dernières années. On a pu voir même pour le grand public l'adaptation de l'histoire de Katherine Johnson, qui est cette mathématicienne qui a largement contribué au succès des missions Apollo et qui a donné lieu à un roman puis adapté au cinéma dans ce film qui s'appelle Hidden Figures, les figures de l'ombre, je crois, en français. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement de réhabilitation va déboucher par ailleurs sur une forme à la fois d'empêchement de cet effet Matilda, on en parlait juste avant l'antenne, Nicolas Witkowski, ou en tout cas une assistance à la considération collective des travaux scientifiques produits par des femmes chercheuses au même titre que celles qui sont produites par leurs collègues masculins. Qu'en pensez-vous, Nicolas Witkowski ? Oui, il y a de plus en plus d'exemples de grands succès de femmes en sciences. Et puis il y a tous ces prix destinés à encourager les jeunes filles à se lancer dans la science. En France, les prix L'Oréal notamment, qui récompensent chaque année des femmes chercheuses. Donc il est clair que... Alors la vraie question, en fait, c'est pas est-ce qu'il y aura davantage de femmes en science. Ça me paraît évident. Petit à petit, ça va se faire. À l'échelle de quelques décennies. La vraie question, c'est est-ce que le plafond de verre va rester en place, c'est-à-dire est-ce que les femmes vont être restreintes à des rôles relativement subalternes, sauf quelques-unes qui ont la chance de décrocher la signature d'un article scientifique, ou est-ce qu'il va y avoir une vraie révolution de ce côté-là ? Et là, je pense qu'on parlait de politique tout au début, l'exemple de la politique pourrait être donné, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des, je dirais pas des quotas, mais des encouragements venus de très haut pour que des femmes occupent des postes très très enviables dans le milieu scientifique. C'est le cas dans certains domaines, c'est loin de l'être dans tous les domaines. Donc je peux pas imaginer ce qui va se passer de ce point de vue-là. Anne-Marie Kermarek, comment c'est-vous ? Sur l'évolution, bon, je suis assez optimiste, mais je pense que ça prendra beaucoup de temps. Je crois effectivement que toutes les institutions, enfin, par exemple, si on prend l'ERC, c'est le European Research Council, qui est un peu le temple de l'excellence scientifique aujourd'hui. C'est un problème sur lequel ils se penchent, de s'assurer d'être équitable. De l'égale répartition des bourses, sont des bourses de recherche. Là, c'est pas en dur dans la répartition des bourses, mais ils se sont rendus compte à la faveur de l'étude de statistiques qu'en fait, il y avait un pourcentage de dossiers féminins qui étaient acceptés au premier tour, qui était plus faible en fait que la proportion. Il y a toujours moins de dossiers féminins, en particulier en sciences dures, mais la proportion de dossiers acceptés était moindre. Donc ça, c'est quelque chose qui a attiré leur attention. Et comme je le disais, c'est souvent à la fois de l'autocensure et des biais un peu inconscients. Et je pense que d'attirer l'attention des personnes qui sont dans les comités sur ces choses-là, c'est très important. Donc l'ERC le fait, l'INRIA le fait, le CNRS le fait. Donc je pense que de plus en plus les institutions font attention à ça. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Ça ne veut pas dire que demain les femmes vont se présenter avec autant d'assurance que leurs homologues masculins. Mais en tout cas, il y a un effort à faire à la fois pour permettre aux femmes d'avoir cette assurance. Il y a des méthodes qui sont utilisées, en particulier par exemple aux États-Unis, qui consistent à faire appel au mentoring, c'est-à-dire faire en sorte que des chercheurs seniors, que ce soit des hommes ou des femmes du reste, puissent conseiller et pousser les femmes à faire candidature pour certains postes ou ou pour les promotions. Il y a cette notion effectivement de bien conscient sur lesquels il faut attirer l'attention des comités, et puis tout un tas d'autres éléments, exploiter les rôles modèles aussi. Après, il y a aussi un point de vue numérique, enfin je parle encore une fois plutôt des maths et de l'informatique, où il y a un petit 15% de femmes. Bon, bah là, quand bien même on voudrait mettre des quotas, on n'y arriverait juste pas. Et voilà, donc il y a un effort à faire plus en amont et peut-être lutter encore plus fort quotidiennement contre les stéréotypes du genre et dès la maternelle. Effectivement, comme l'évoquait Nicolas Witkowski, ce plafond de verre pour les postes à responsabilité, parce que on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, en biologie, dans le domaine médical, s'il y a une légère majorité de femmes entre 52 et 54%, c'est pas du tout des postes à responsabilité. Là aussi se pose la question, vous l'évoquiez à l'instant, Anne-Marie Kermarek, des postes à responsabilité dans les grandes institutions scientifiques aujourd'hui en France, en tout cas, elles sont encore très très largement, majoritairement dirigée par des hommes. Et j'aimerais, pour conclure, vous attirer votre attention sur cette étude canadienne qui avait été publiée dans Nature il y a quelques années, qui est assez intéressante, sur la part justement des femmes dans la science, et notamment sur la reprise des articles dont le premier signataire est une femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les articles dont le premier signataire est un homme sont non seulement plus repris et plus cités dans les revues à comité de lecture, y compris quand elles sont citées par des articles qui sont eux-mêmes rédigés par des femmes. Donc il y a ici, là aussi, Anne-Marie Karmarek, un inconscient collectif qui joue à l'œuvre et dont les femmes sont finalement elles-mêmes leurs propres victimes. C'est vrai, je pense effectivement que les femmes... peut-être sauf celles qui étudient ce problème de près et qui sont très concernées, voilà, subissent les mêmes influences de la société et finalement, quelque part, perpétuent ce genre de choses aussi. Et c'est dommage. Après, pour avoir beaucoup de collègues, des hommes et des femmes du reste, mais beaucoup de femmes impliquées dans ce genre d'action, en tout cas en faveur des femmes, j'ai quand même l'impression qu'il y a une... Il y a aujourd'hui une solidarité dans les femmes en sciences qui est réelle et qui est loin de ce qu'on appelait le syndrome Queen Bee. Vous savez, ce syndrome où les femmes sont plus dures avec les femmes que les hommes eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Les femmes sont assez solidaires. Je le constate moi beaucoup. Et quelque part, il faudrait aussi leur laisser cette place. C'est-à-dire que moi, je pense que les femmes sont de très bonnes défenseuses pour elles-mêmes et c'est le cas aujourd'hui. Je crois qu'il y a une vraie solidarité. Et c'est tout à fait encouragé, justement, pour encourager les jeunes, pour les aider à grimper dans les échelons et les persuader qu'elles devraient se faire confiance et elles ont tous les atouts pour réussir aussi bien. Nicolas Witkowski, il faudrait par exemple une exemplarité du prix Nobel, que le prix Nobel en finisse avec ses palmarès 100% ou 99,9% masculins chaque année. Disons que ça sera un effet ultérieur, un effet final. Là, on va parler aux générations. Là. Oui, puisqu'il faut rappeler que le prix Nobel récompense les scientifiques pour l'ensemble de leur carrière. Et absolument. Que c'est des scientifiques qui sont anciens en fin de carrière, donc qui représentent finalement une sociologie des sciences qui est celle qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Il y a une chimiste française du XVIIe siècle qui s'appelait Marie Meurdrac qui disait « Les esprits n'ont point de sexe ». C'est-à-dire, si on estime que la science est vraiment le domaine où s'exprime l'esprit, dans ce qu'il a de plus beau et de plus rationnel, pourquoi est-ce qu'il y aurait moins de femmes que d'hommes? Vraiment, c'est peut-être notre conception de la science qui va être modifiée, qui va changer petit à petit, plutôt que l'inverse, mais on s'en rendra pas compte. C'est pas une personne un jour qui va décider que la science va changer de direction. Vera Rubin qui disait « Il n'existe aucun problème scientifique qu'un homme peut résoudre et qu'une femme ne pourrait pas ». Et on va conclure cette émission par ces mots d'Erta Ayrton, qui est une mathématicienne britannique et qui disait « Être scientifique, c'est être bon ou pas bon, ça n'est pas être homme ou femme ». Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne-Marie Karmarek, merci à nos camarades de la RTS à Lausanne qui ont rendu possible ce duplex. Merci beaucoup Nicolas Witkowski d'avoir été avec nous. Je rappelle, Trop belle pour le Nobel, les femmes et la science. C'est aux éditions du Seuil et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Noémie Naguet de Saint-Villefranc, Céline Lausanne, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Tom Humdensock, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Et la suite, c'est le retour des idées claires. Depuis hier, on repart toutes les semaines avec une idée reçue, une théorie du complot, des fake news, de la désinformation, auxquelles on tape sur le nez grâce à une scientifique. Et bien, c'est une scientifique qui répond cette semaine à notre première question, Patricia Paterlini-Bréchaud, qui répond à la question « Existe-t-il un remède universel contre le cancer qu'on nous aurait dissimulé ?» La réponse est non. Vous pouvez le retrouver dans les idées claires, c'est sur le site de France Culture, franceculture.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, et en podcast, toutes les semaines, tous les mercredis. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, c'est notre premier vendredi fiction de la saison. On retourne dans le passé, mais pour aller vers un autre futur. Bienvenue dans le royaume de l'Uchronie. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.